إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc continue inshallah aujourd'hui l'explication en langue française du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim. Et le Cheikh va expliquer un dernier verset, c'est-à-dire un verset que lui il a choisi et qui sera donc le dernier pour clôturer en fait les versets choisis de Sourate al-Baqarah. Sourate al-Baqarah. Donc c'est le verset 256. يقول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Le chien, dans un premier temps, il va nous expliquer ou nous citer la cause de la descente de ce verset, yani sabab al-nuzul, ce qu'on appelle sabab al-nuzul. Donc la traduction, bien sûr, c'est la suivante: nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit ou rebelle tandis qu'il croit en Allah, c'est l'alliance la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Donc on va revenir sur les termes qui sont employés dans ce verset. Donc d'abord, on rappelle ce que le chien nous cite. Il dit en fait que le verset, il est descendu par rapport à certaines personnes. فيقول جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بن نضير كانت فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين الآية. قال أبو داود المقلاة التي لا يعيش لها ولد. Donc l'explication, ou plutôt la cause de la descente de ce verset, c'est un hadith qui nous est rapporté par l'imam Abu Daoud. L'imam Abu Daoud dans ses Sunan, avec une chaîne de transmission qui est authentique à Ibn Abbas. Donc c'est Ibn Abbas qui nous explique en fait la descente de ce verset, ou la cause de la descente de ce verset. Il nous dit كانت المرأة تكون مقلاة. Donc le terme مقلاة, il va nous l'expliquer Abu Daoud lui-même à la fin de la citation de la parole d'Ibn Abbas. فيقول قال Abu Daoud المقلاة التي لا يعيش لها ولد. Donc en fait ça c'était une coutume, on va dire une coutume, c'est-à-dire quelque chose qui était faite, qui était propagé chez les gens des Ansar, notamment des Ansar, qu'on va le voir. C'est-à-dire que la femme qui avait en fait un enfant, mais dès que l'enfant naissait, peu de temps après, il mourait. C'est pour ça que le chef il nous a rappelé l'explication de Abu Daoud. Al-Miqlatu, Al-Miqlatu, donc c'est avec le Al-Qaf. Al-Miqlatu, Allati la ya'ishu laha walad. C'est-à-dire après qu'elle a eu son enfant, après qu'elle a accouché, son enfant meurt. C'est-à-dire qu'il ne peut en fait survivre après l'accouchement. Donc ça c'est ce qu'on appelle, le terme miqlat, ça vient du terme al-qalt, qui est en fait al-halak. Al-halak. Ou al-halak, bien sûr, c'est la perdition. Donc la femme qui était dans ce cas-là, qui avait ces caractéristiques, c'est-à-dire que ses enfants ne vivaient pas après qu'elle a accouché, qu'est-ce qu'elle faisait? فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. C'est-à-dire فتجعل يعني تنظر. تنظر يعني بمعنى elle fait un vœu, elle faisait un vœu. Et c'était quoi ce vœu en fait? Elle disait que si son enfant vivait, alors elle le rendrait juif. Elle le rendrait juif. Elle le ferait rentrer en fait dans la religion des juifs. فلما أجليت بن نضير. C'est-à-dire, comme vous le savez, d'après l'histoire, d'après la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez qu'il a expulsé une des trois tribus qui vivaient dans l'enceinte de Médine, et qui s'appelle Banu Nadir. Donc ça, c'est une des tribus que le prophète sallam a expulsé de Médine. Donc au moment où ils ont été expulsés, ceux bien sûr qui avaient rendu leur enfant juif et qui vivaient donc avec ces tribus juives, ils ont dit La nada abna ana. Et bien sûr, ça faisait partie des enfants min abna al-ansar, c'est-à-dire les enfants des ansar. Et donc, lorsqu'ils ont dit La nadao abna ana, c'est-à-dire que nous n'allons pas délaisser nos enfants comme cela. Et quel est le maqsoud? C'est-à-dire que nous allons les faire rentrer dans l'islam. De force, comme on dit, de gré ou de force. C'est-à-dire par contrainte. Et donc, c'est à ce moment-là que le verset est descendu. La ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte en religion. C'est vrai que c'est un verset qui est connu et que beaucoup de personnes répètent et argumentent à travers ce verset pour prouver certaines choses qui sont des moments justes et qui sont des moments fausses. Donc ça c'est en fait sabab al-nuzul, la cause de la descente. À partir de là, et ça c'est une règle qui va être générale au niveau de la compréhension des versets coraniques. Lorsqu'on a un verset et on sait que ce verset est descendu pour une cause bien précise, qu'est-ce qu'on va faire maintenant au niveau de l'argumentation al-istidlal? Est-ce qu'on va prendre, en fait, on va considérer le verset suivant la cause pour laquelle il est descendu, ou alors on va prendre en compte l'aspect global du terme? Et c'est ce qu'on appelle, en fait, et c'est ce que va nous dire le shir, wal-ibratu bi'umum al-lafz wa la bi-khusus al-sabab. Et ça c'est une règle qui est générale au niveau de la compréhension des versets du Coran. Si on traduisait cette règle là, on pourrait la traduire de cette manière: on prend en compte l'aspect global du terme, ou ici bien sûr du verset. Lorsqu'on dit Allah, c'est vraiment un terme qui est général, donc on prend en compte l'aspect global du terme et on ne prend pas en compte l'aspect particulier de la cause. Al-ibaratu bi'umum al-lafz la bi-khusus al-sabab. On prend en compte l'aspect global du terme et on ne prend pas en compte l'aspect particulier de la cause. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple à comprendre. Est-ce que maintenant, lorsqu'on a un verset, et ce verset-là on sait qu'il est descendu pour une cause bien précise, est-ce qu'on va comprendre ce verset simplement par rapport à la cause où il est descendu? Ou alors on va appliquer ce verset, comprendre ce verset de façon bien plus générale, c'est-à-dire pour la cause pour laquelle il est descendu et pour autre chose également, ou c'est-à-dire pour d'autres causes qui vont être bien sûr similaires de près ou de loin par rapport bien sûr à la cause. Donc c'est ça. C'est-à-dire maintenant, si on prend l'exemple la ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte en religion, nulle contrainte en religion. Est-ce que ça veut dire que cette contrainte-là, c'est simplement dans le cas qui est advenu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens des Ansar qui avaient rendu leur enfant juif par rapport bien sûr aux vœux qu'ils avaient fait, comme on l'a expliqué, est-ce que ce verset-là on l'applique simplement dans ce cas-là, et le cas bien sûr qui sera identique à celui-là, ou alors que c'est un ou alors on prend en compte l'aspect général du terme et donc on va appliquer ce verset à d'autres bien sûr à d'autres domaines, c'est-à-dire dans un domaine qui va être beaucoup plus large que cette cause-là qui est bien sûr particulière et restreinte. C'est ça ce que veut dire en fait la règle. Al-ibratu bi'umum al-lafz la bi-khusus al-sabab. Et cette règle-là qui est appliquée par la plupart des savants, qui est appliquée par même la majorité des savants, cette règle-là pour ce qui est de la compréhension et de l'application des versets du Coran. Il nous dit le shir kama zakaro ibn Kathir fi tafsirihi li hadhihi al-aya, c'est-à-dire que c'est l'avis également de Ibn Kathir. Et il nous dit le shir donc al-ma'na an al-afrad min al-kuffar la yukrahun ala dukhul fi l'islam. Donc on voit maintenant que le shir va appliquer cette règle là il va prendre tout simplement l'aspect général de la signification du verset, il va l'appliquer à un domaine qui est donc vaste. C'est-à-dire, quel est le résultat ici de l'application de cette règle-là pour le verset? Il va nous dire que la signification du verset, c'est que chaque non-musulman, yani chaque personne qui fait partie des non-musulmans, on ne peut le contraindre à rentrer dans l'islam. Ça veut dire, c'est ça en fait, ici l'application de la compréhension du verset. C'est-à-dire, on comprend le verset de cette façon-là, de façon générale. Donc ça concerne tous les non-musulmans. Tous les non-musulmans. Et pas non seulement le cas dans lequel où est descendu le verset. Pour lequel est descendu le verset. Taïb. Donc j'espère que c'est compris par rapport à la règle, l'application de la règle et le cas ici. Ensuite le cheikh, il va nous dire que ce verset là, il n'est pas en contradiction. Il n'est pas en contradiction avec quoi ? Avec les autres versets qui sont venus pour mettre en évidence qu'il nous était obligé de combattre les mécréants et les al-munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites. Et il va rapporter plusieurs versets par rapport à ça au shir, le shir. Et parmi ces versets, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alayhim. Waghlub alayhim. Ça c'est le verset qui se trouve dans Surat Tawbah, qui est le verset 73. Surat Tawbah, verset 73. Ô le prophète, donc Allah Azzawajal, il appelle le prophète. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar. C'est-à-dire combat les mécréants, wal munafiqin, et les hypocrites, waghlub alayhim, c'est-à-dire sois dur envers eux, fais preuve de dureté envers eux. Et également, il va nous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est connu de tout le monde, muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim, يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. C'est-à-dire on m'a obligé, bien sûr, ça c'est bisirat al-majhul, umirtu, c'est-à-dire que j'ai été obligé. Et celui qui a rendu cette affaire obligatoire, c'est bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala, al-shari', le législateur. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. J'ai été donc obligé de combattre les gens jusqu'à qu'ils témoignent, donc les gens de façon générale, jusqu'à qu'ils témoignent qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils donnent la zakat, qu'ils donnent l'impôt rituel. Donc en fait il n'y a pas de contradiction avec ces versets et le verset précédent, c'est-à-dire la ikra afiddin. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement, par rapport bien sûr aux règles islamiques, s'il advient un combat entre deux pays, c'est-à-dire un pays musulman et un pays non musulman, et wa min bab taban min bab da'wa, c'est-à-dire qu'on fait cela pour faire passer le message de l'islam, fahunak khiyar, c'est-à-dire que les gens ont le choix. Ont le choix soit de, c'est-à-dire la dawla, c'est-à-dire le pays, on va dire l'État, il a le choix soit de choisir entre l'islam, ou soit de choisir entre al-jizya, c'est-à-dire yata al-jizya, c'est-à-dire le fait de donner un impôt, qu'on appelle bien sûr al-jizya, de donner un impôt à l'État musulman. Ou alors, bien sûr, s'ils ne choisissent pas entre ces deux, alors al-qital, c'est-à-dire le combat. Donc on voit ici qu'il y a en fait khiyar, c'est-à-dire il y a un choix, et qu'on ne peut à ce moment-là contraindre quelqu'un à rentrer dans l'islam. On ne peut contraindre quelqu'un à rentrer dans l'islam. On va lui laisser en fait le choix, qu'il reste par rapport à sa religion, qu'il reste par rapport à son dîn, mais à condition bien sûr qu'il paye l'impôt qui est connu au niveau de l'islam et qu'on appelle al-jizya, et qui est connu bien sûr fil ahkam al-shari'a, c'est-à-dire les règles de la religion et les règles de la législation. Et c'est pour ça qu'il va rapporter en fait l'explication de Ibn Kathir dans le tafsir de ce verset. يقول تعالى لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في الدين الإسلام. C'est-à-dire qu'on ne peut contraindre quelqu'un à rentrer dans la religion de l'islam. فإنه بين واضح جلي دلائله وبرائنه. C'est-à-dire que la religion, qui est cette religion, la religion de l'islam, qui est une religion de vérité, c'est une religion qui est claire quant à son dogme, quant à sa croyance, quant à ses règles, quant à ses ahkam, c'est-à-dire à ses lois. C'est une religion qui est claire et qui met en évidence que c'est une religion qui est en fait en harmonie totale avec la nature humaine et que c'est la religion de la vérité. Donc c'est quelque chose qui est clair. Le Coran, il est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était envoyé, et cette religion a été expliquée aux gens. Donc à partir de là, il n'y a pas en fait lieu de contraindre quelqu'un à rentrer dans la religion. Dans un premier temps, parce que ça ne servirait à rien du tout. Ça ne servirait à rien du tout. C'est pour ça qu'il dit Ibn Kathir, لا يحتاج إلى أن يقرأ أحد على الدخول فيه بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيد الدخول في الدين مكرها مقصورا مقصورا. Donc en fait il nous dit tout simplement Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, qu'en fait on n'a pas besoin, en fait on n'a pas besoin à la base de contraindre quelqu'un à entrer dans la religion, tout simplement parce que celui dont Allah azawajal il guide et lui ouvre, il lui élargit sa poitrine à l'islam et il lui illumine sa compréhension, c'est-à-dire sa vision de la religion, dakhala fiha ala bayyina, c'est-à-dire il va rentrer avec conviction dans cette religion, il va rentrer avec preuve à l'appui. Par contre, celui dont Allah azawajal lui a scellé son cœur, lui a scellé sa vision, lui a scellé son ouïe, alors cette personne-là, la yufidu ad-dukhul fi ad-din, c'est-à-dire que ça ne lui sera pas profitable qu'il rentre dans la religion de manière contrainte, qu'il soit en fait contraint à cela. Ça ne lui profitera en rien du tout. Pourquoi ? Parce que la personne, bien sûr, elle sera jugée devant Allah Azzawajal suivant ce qu'elle croit, suivant sa croyance. Donc une personne qu'on obligerait à rentrer dans l'islam et qui ferait semblant d'être musulman, ça ne servira à rien le jour du jugement. Donc ça n'aurait aucun résultat. Taïb. Et en plus, par rapport à notre croyance, on sait bien que, d'après ce qu'on a cité maintenant de la parole de Ibn Kathir, que « al-hidayatu tawfiqiyya » c'est-à-dire que la guidance est une guidance qui est propre ou qui appartient à Allah, c'est-à-dire c'est Allah Azzawajal qui guide les gens sur l'islam et c'est Allah Azzawajal qui égare les gens de l'islam. Donc on ne peut nous en fait contraindre quelqu'un à l'islam, ça serait aller en l'encontre en fait de ce hukm, de cette loi là qui est une loi en fait universelle. Et donc à partir de là, si Allah Azzawajal veut guider quelqu'un, il va lui ouvrir son cœur et le rentrera de lui-même dans la religion. Et celui qui ne veut pas guider Allah Azzawajal, jamais tu ne pourras le guider. Jamais tu ne pourras le guider. Jamais tu ne pourras être la cause de son islam. Donc c'est quelque chose qui est clair. Et c'est en fait ma'na. Et c'est en fait la signification de ce verset-là. La ikara fid-din. Donc on voit ici, d'après l'explication qui nous a été donnée, qu'on a pris en fait bi'umum al-lam. C'est-à-dire qu'on a pris en compte l'aspect global du terme. Et non l'aspect bien sûr particulier de la cause comme cela a été cité. Et cela en fait pour les autres aussi versets. Donc c'est une règle qui est générale pour ce verset-là et d'autres versets. Et donc également à travers ce verset, on s'aperçoit min adl al-islam, c'est-à-dire de la justice de la religion, de la justice de l'islam. C'est-à-dire que jamais on ne pourra être injuste envers quelqu'un en le contraignant à rentrer dans une religion dont il n'a pas en fait la conviction ou dont il ne croit pas. Ça, on ne peut pas. Et donc, ça fait bien sûr partie de l'adl. Et même le fait qu'il y a la demande de jizya, al-jizya, c'est-à-dire ce qu'on appelle bien sûr, c'est un impôt qui est bien précis, comme on a dit, qui est demandé à l'État, et que donc, al-afrad, c'est-à-dire chaque composante de l'État va donner, c'est-à-dire parmi les gens de façon générale vont donner cet impôt-là, bien sûr, il va être donné à l'État musulman. Donc c'est tout simplement un impôt. Mais en échange de cela, bien sûr, le gouvernement musulman va assurer la sécurité de ces gens-là. Donc en fait, bien sûr, il y a una muqabil, c'est-à-dire il y a bien sûr un échange entre bien et quoi ? Entre bien et service. Et c'est pour ça que comme cela est connu du temps de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il y avait en fait un juif qui a donc payé la jizya du temps de Omar ibn al-Khattab. Il a payé la jizya lorsqu'il était jeune et arrivé à un certain âge, il ne pouvait plus payer la jizya. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait plus en fait de source. Il n'avait plus de source. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait rencontré Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ce juif, et lui avait dit, du temps que j'étais jeune, en fait je vous ai donné la jizya. Et maintenant que je ne suis plus jeune et je suis devenu vieux, je n'ai plus la capacité de donner la jizya, je n'ai plus en fait de source. je n'ai plus de revenus. Et en fait, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a fait donc, bien sûr, enlever l'obligation de payer cet impôt-là, et en plus de cela, il lui a donné, il a donné à cette personne-là, à ce juif, il lui a donné en fait, comme on pourrait dire de nos jours, comme une retraite, c'est-à-dire min bayt al-mal al-muslimin, c'est-à-dire qu'il a pris de la caisse générale des musulmans, hein, il a pris de cet argent-là, il lui a donné en fait pour qu'il subvienne à ses besoins. Donc on voit en fait que l'islam par rapport à ça, c'est la al-adl fi kulli shay, c'est-à-dire la justice dans chaque chose, même avec al-mu'amala ma'a al-kafir, c'est-à-dire jusqu'à la relation qu'il y a avec le non-musulman. Et ensuite, bien sûr, la suite du verset, on avait dit « La ikra fid din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghay ». Qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. C'est-à-dire, le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, à partir de là, il n'y a plus, en fait, on va dire qu'il n'y a plus, pour la personne qui ne va pas croire, khalas, on ne peut plus rien faire pour elle. C'est-à-dire que le bon chemin, il s'est distingué. Elle n'a pas voulu croire, elle ne croira jamais, quoi qu'on fasse. Donc, c'est également la compréhension du verset, de la suite du verset, et c'est ce que nous a informé Ibn Kathir à travers l'explication concise qu'il a donnée. Ensuite, yaqul Allah Azza wa Jal dans la suite de ce verset, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. À partir de là, il va nous expliquer le shir que dans un premier temps, l'explication de ce verset, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, c'est ici marna la ilaha illallah. Marna la ilaha illallah. Il n'y a pas en fait d'adoration, ou qu'il n'y a pas d'être adoré méritant l'adoration si ce n'est Allah Azza wa Jal. Et donc ici on a un nafi, fama yakfur bit tagut, hada nafi, c'est-à-dire c'est une négation. Wa yu'min billah, wa yu'min billah, et ça c'est bien sûr une affirmation, ithbat. Et donc on voit que les deux conditions sont réunies et sont les deux conditions de la ilaha illallah. C'est-à-dire se détacher et délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, toute adoration, tout être adoré, quoi qu'il soit, et ensuite croire en Allah, azawajal, croire en lui et l'adorer, l'adorer comme il se doit. Wa yu'min billah. Wa la ma'na la ilaha illallah. Donc, فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. بِنِسْبَةِ الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, ce terme-là, il est venu, où il a été expliqué par plusieurs tafsirs, c'est-à-dire par plusieurs explications, par les salafs. Certains ont dit en fait que c'est tout simplement l'islam. Al-urwat al-wuthqa, l'islam. D'autres ont dit c'est al-iman, la foi. Et d'autres ont dit la ilaha illallah. Et d'autres ont dit al-qur'an, c'est-à-dire le Coran. D'autres ont dit al-hubbu fillah, ou al-burdu fillah, c'est-à-dire l'amour en Allah azza wa jal. Et le fait de détester en Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-wala wal-bara. Tous ces termes-là, comme nous l'explique Ibn Kathir et d'autres, ils disent en fait que tous ces termes sont justes. Tous ces termes, ou toutes ces explications en fait sont justes et reviennent à ce terme qui va être donc général, bil-urwati al-wuthqa la anfisama laha. Et qui bien sûr qui est traduit ici par rapport à son sens, on va dire, linguistique, tandis qu'il croit en âme, ses silences la plus solide qui ne peut se briser. La anfisama laha, qui ne peut se briser. Et au niveau de l'explication du terme at-tarut, il faut savoir que ce terme at-tarut vient du terme tourian. Tourian. Tourian, au niveau de la langue arabe, c'est en fait la transgression. C'est le fait de transgresser une loi. Donc, tout ce qui est transgression, on appelle ça tourian. Dépasser les limites, c'est donc tourian. Et ce terme, donc, at-tarut, et son pluriel, c'est at-tawarit, ça vient donc du terme tourian. Et les savants nous donnent une explication. Plusieurs savants nous ont donné une explication par rapport à cela, comme l'explication qui est donnée par Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, qui était repris également cette explication par Muhammad ibn Abdul Wahhab fil usul al-thalatha, c'est-à-dire les trois bases. Fakana yaqul aw qala ash-shaykh at-tagut ma tajawaza bil 'abd haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. C'est-à-dire ça désigne toute chose pour laquelle le serviteur outrepasse ses limites, que ce soit ici min ma'boudin, que ce soit donc un être adoré, ou matbou, c'est-à-dire un être suivi, ou muta', ou un être qui va être adoré, ou qui va être enfin obéi, un être qui va être obéi, ma'boud, ou matbou, ou muta'. C'est ça en fait at-tarut. At-tarut ma tajawaza bil 'abd حده من معبود أو متبوع أو مطاع. C'est donc l'explication de manière générale. Explication de manière générale. Et donc, on voit à partir de là que chaque personne qui va dépasser ces limites-là, qui va dépasser ces limites-là par rapport à ce qui est suivi, par rapport à ce qui est adoré, par rapport à ce qui est obéi, alors il va rentrer dans ce terme-là, At-Tawarut. Et c'est pour ça qu'il dit ensuite, At-Tawaritu Kathira. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux. Et donc, on a dit At-Tawarit, c'est le pluriel de At-Tawarut. Waru'usum Khamsa. Waru'usuhum Khamsa. C'est-à-dire ils sont de cinq. C'est-à-dire les têtes de ces tawarouts, les catégories principales de ces tawarouts sont de Khamsa. Et le premier, il cite Iblis, la'anallah. Iblis, le diable lui-même, qui fait partie des plus grands tawarouts, et qui est le plus grand des tawarouts. Iblis, la'anatullah alayh. Et ensuite, yaqul, wa man ubida wa warabi. Et ça, c'est important. Ava al-qaid. Wa man ubida wa warabi. Celui qui était adoré alors qu'il est, bien sûr, il est satisfait de cela. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont été adorés, mais n'ont jamais été satisfaits de cette adoration-là. Beaucoup de gens, parmi les prophètes, parmi les anges, etc., ils ont été adorés, mais ils n'ont pas été satisfaits de cette adoration-là. Donc on ne peut les nommer par ce terme-là, tawarut. Donc ça c'est un shart ou un qaid, c'est-à-dire c'est une condition essentielle, c'est-à-dire de dire Men ubida wa rabin. Ça, c'est bien sûr la deuxième catégorie. Men ubida wa rabin. C'est-à-dire celui qui est adoré et alors qu'il est satisfait de cette adoration-là. Wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsi. Et celui qui a appelé les gens à adorer sa propre personne. Il appelle les gens à l'adoration de sa propre personne. Ça aussi, c'est un tawarut. Et ça, c'est la troisième catégorie. Wa man idda'a shay'an min 'ilm al-ghaib. Wa man idda'a shay'an. Celui qui va en fait prétendre connaître la science de l'invisible. Et bien sûr ici, ilm al-ghaib, ça veut bien sûr l'ilm al-mutlaq, comme on l'a déjà expliqué dans les cours précédents, fit tafsir. L'ilm al-mutlaq, هذا هو المقصود هنا. C'est-à-dire la science dont seul Allah Azzawajal connaît et qu'il n'a pas fait connaître à ses serviteurs. Hada wal ilm min ilm al ghaib. Hada wal maqsoud. Wa man idda'a shay'an min ilm al ghaib. Min ilm al ghaib. C'est-à-dire celui donc qui prétend une chose de l'invisible, de la science de l'invisible. Wa man hakama bi ghayri ma anzala Allah. Et en fait, le dernier, ça donc c'est le quatrième et le cinquième, celui qui gouverne avec une loi autre que celle d'Allah. Bi ghayri ma anzala Allah. Une autre loi qui est descendue. C'est-à-dire une loi qui gouverne avec une loi qui est différente que celle qu'Allah Azzawajal a fait descendre. Et bien sûr également ici, Qaid Muhim, c'est-à-dire Qaid Muhim, c'est-à-dire que celui qui va être nommé ensuite Tawarut, ici l'As, bien sûr, Tawarut, ça va être bien sûr celui qui Yakfur Billah, que ce soit par rapport à Iblis, que ce soit celui qui a été satisfait, qu'on l'ait adoré, que ce soit celui qui a donné ou qui a appelé les gens à l'adoration de sa propre personne, ou celui qui a ilm al-ghaib, c'est-à-dire celui qui prétend connaître la science de l'invisible, celui qui prétend connaître en fait l'invisible, et ensuite donc le dernier, wa man hakama bi ghayri ma anzala Allah. Al qaiduna, bien sûr, pour celui qui croit que la loi avec laquelle il gouverne est meilleure ou est la même que la loi d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire, bien sûr, ça rentre fil irtiqad, ça rentre bien sûr dans la croyance. Ça rentre dans la croyance. Et c'est pour ça en fait que celui qui gouverne avec une autre loi d'Allah Azzawajal, pour qu'en fait il sorte de l'islam, il faut qu'il ait la croyance par rapport à ce qu'il gouverne. C'est-à-dire qu'il croit que cette loi soit meilleure que la loi d'Allah, ou qu'elle soit yani au même niveau. Et en fait ici c'est la même question lorsqu'on parle du shirk. Itlaq shirk, kalimat shirk. On peut vouloir dire ici shirk. On peut vouloir dire shirk al-akbar, c'est-à-dire le grand associationnisme, et on peut vouloir dire aussi shirk al-asrar, c'est-à-dire l'associationnisme mineur. Et donc il y en a un qui fait sortir de l'islam, l'autre qui ne fait pas sortir de l'islam. Et ici c'est pareil. Donc il y a en fait al-kufr al-adi wa al-kufr al-asrar, wa al-kufr al-adi wa al-kufr al-akbar. C'est-à-dire la mécréance qui fait sortir de l'islam et la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc c'est pareil pour ce qui est de cette question-là. Et comme l'ont mis bien sûr en évidence les savants de la sunna et du consensus. Donc voilà pour ce qui est de ce verset-là. Et ensuite le shir, rahimallah, il va expliquer, ou il va rentrer maintenant dans certains versets, donc des versets qui sont choisis de surat Ali Imran. Donc on avait dit que ce verset-là, c'était le dernier verset de surat Al-Baqarah. Bien sûr, les versets choisis. Et maintenant, il passe le shir à surat Ali Imran. Le verset qu'il a choisi, le shir, c'est le suivant. C'est le verset 31. يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dit, قل, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. يقول الشيخ en introduction, il dit Al-Mahabbatu al-Sadiqa lillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam sababun sababu kulli khayrin wa sa'adatin fi dunya wal akhirah. Si déjà la personne elle comprend cette phrase là et elle l'applique avec certitude, alors c'est un grand bien pour elle. Il dit le shir que l'amour Al-Mahabba al-Sadiqa, l'amour sincère que l'on a envers Allah et son prophète, est la cause de tous les biens et de tous les bonheurs dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Fid dunya wal akhirah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un verset, dans un hadith arfouan, que celui qui goûtera réellement al-iman, c'est celui dont trois choses seront regroupées en lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith al-muttafaqun alayh: "Thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri kama yukrahu an yuqdhafa fi an-nar." Allahu musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que trois choses, Salatoun, il y a trois choses. Si elles sont présentes chez une personne, alors il va goûter halawa tal iman. Pourquoi? Parce que l'iman, là où halawa, c'est-à-dire que la foi, elle a un goût. Donc cette personne va goûter à la foi. Elle va ressentir le goût de la foi, subhanallah. Donc la première chose qui nous a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an yakuna Allah wa rasulu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ça, c'est la première chose. Si cette première chose n'est pas concrétisée, alors il ne faudra jamais penser à goûter à la foi, de ressentir le goût de la foi, le bon goût de cette foi, le goût magnifique de cette foi. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Qu'Allah et son prophète sont les plus aimés auprès de toi. Ce sont les plus aimés parmi toutes les créatures, mimma siwahuma, yani parmi toutes les créatures, il faut qu'Allah et son prophète soient les plus aimés. Il faut que tu aimes Allah et son prophète plus que tes enfants, plus que ta mère, plus que ton père, plus que tes biens, plus que ta voiture, plus que tout ce que tu pourrais aimer dans cette vie d'ici-bas et qui est cher à ton cœur. Il faut qu'Allah et son prophète soient encore plus chers auprès de toi dans ton cœur pour que tu goûtes à ce goût de la foi. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Et ça, bien sûr, c'est en conséquence. C'est-à-dire lorsque tu aimes une personne, il faut que tu l'aimes uniquement pour Allah Azzawajal. C'est-à-dire que tu ne peux aimer une personne si ce n'est pas pour Allah. C'est-à-dire aimer, par exemple, quelqu'un qui a dévié de la voie. Aimer une personne qui est perverse. Comment peux-tu l'aimer alors que cette personne-là n'a pas suivi la voie d'Allah Azzawajal? Tu ne peux l'aimer en fait pour Allah. Tu vas aimer pour Allah Azzawajal le véritable croyant, ceux qui ont véritablement cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont appliqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne-là, si tu l'aimes par rapport à sa à sa conformité à la religion, à sa conformité à la sunna du prophète, alors sache que cette personne-là, tu l'as aimée pour Allah. Et à ce moment-là, tu vas goûter, inshallah, la douceur de la foi. Et ensuite, le troisième, ou an yakra an ya'ouda fil kufri kama yukra ou an yuqzafa fil nar. C'est-à-dire que tu détestes, il faut que tu détestes, vraiment détester, revenir à la mécréance. Comme tu détesterais qu'on te jette dans le feu. Est-ce que tu aimerais qu'on te jette dans le feu? Tu vas détester, vraiment détester de la plus forte des manières. De même, il faut que tu détestes te retourner dans la mécréance. Et lorsque ces trois choses sont réunies en toi, alors inshallah ta'ala, tu vas goûter à la douceur de la foi, tu vas goûter réellement le vrai goût de l'iman. Sinon, tu ne pourras goûter la douceur de la foi si tu n'as pas réuni ces trois choses. Et en fait, le verset, comme on le voit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Il nous dit le shir, وَمَحَبَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا تَكُونَ بِمُجَرَّدَ الدَّعَاوَةِ وَإِنَّمَا تَكُونَ بِاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والدعوة لابد فيها من إقامة البينة كما أن الأمور الدنيوية لا تثبت بمجرد الدعوة بل لابد من إقامة البينة على ذلك فكذا محبة الله ورسوله لابد لمدعيها أن يقيم البينة على ذلك وذلك بأن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء عن بعض السلف تسمية هذه الآية بآية الامتحان والاختبار. Le chien nous dit tout simplement que cet amour que beaucoup de gens prétendent, il faut en fait qu'il y ait une preuve de cet amour-là. C'est pas simplement prétendre, avancer que l'on aime quelque chose, comme il va nous dire le chien. Par exemple, maintenant, si toi tu aimes une personne, si par exemple tu aimes ta femme, qu'est-ce qu'elle va attendre ta femme de toi? Elle va attendre que tu lui prouves que tu l'aimes. Il va falloir que tu prouves que tu l'aimes. Amma mujarrad al-kalam, c'est-à-dire simplement la parole, j'ai dit je t'aime simplement par la parole, et à côté de ça, au niveau des actes, c'est tout contraire à ce qui sort en fait de la bouche. C'est-à-dire ce n'est pas une preuve qui va être donnée de cet amour qui doit être sincère. Ici, le shir, il nous a donné un exemple qui est plus général. Yani annal umur ad-dunyawiyya, toute chose de façon générale, il faut qu'il y ait une preuve. Il faut que tu prouves que vraiment tu aimes cette chose-là. Pas simplement par al-kalam. Si tu vas maintenant vers une personne, tu lui dis est-ce que tu aimes Allah et son prophète, il va te dire bien sûr. Bien sûr j'aime Allah et son prophète. Ça c'est clair et net. Chaque personne, tu vas aller vers lui, tu vas lui dire est-ce que tu aimes Allah et son prophète, il va te dire bien sûr, na'am. Ma fichek, j'ai pas de doute que j'aime Allah et son prophète. Ça c'est ce qu'on appelle da'wah. Ça c'est ce qu'on appelle en fait prétendre, avancer que tu aimes Allah et son prophète. Mais maintenant, il faut que tu nous donnes la preuve de cela. Et comment cette preuve elle vient? Wa innama takun bittiba'i ma ja'a bi-r-rasul min al-kitabi was-sunnah. Et ça c'est la compréhension du verset. Il nous dit cette prétention, ce que tu as prétendu, il faut donc qu'elle soit accompagnée d'une preuve. Et c'est quoi cette preuve là? Cette preuve là, c'est le fait que tu suives le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, que ce soit dans le livre ou la sunna. Alors à ce moment-là, on dira que tu es sincère. Amma mujarrad al-da'wa la yufid shay wa la yadullu ala shay. C'est-à-dire donc que l'homme qui est sincère, lorsqu'il dit j'aime Allah et son prophète, il suit Allah et son prophète. Et c'est pour ça que Allah azza wa jalla dit qul in kuntum tuhibbun Allah. Dites si vous aimez Allah, si vous aimez vraiment Allah et avec sincérité, suivez-moi. Alors suivez-moi. Et c'est pour ça qu'il va nous citer le shir que ce verset-là était considéré ou appelé par beaucoup de salafs comme le verset du test, de l'épreuve, du contrôle. Ayat al-imtihan wa al-ikhtibar. Tout simplement, ça c'est l'épreuve, le contrôle, le test. Ah, toi tu prétends l'amour d'Allah et de son prophète, alors maintenant on va te tester. Quels sont tes actes? Quel est ton suivi par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quel est ton suivi? Quelle est ta conformité par rapport aux règles de l'islam? C'est à partir de là qu'on va vraiment différencier celui qui aime réellement Allah Azza wa Jal ou qui prétend simplement aimer Allah Azza wa Jal. Mujarrad al-qawl, simplement une parole. Yaqul ibn Kathir, هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ابن كثير nous dit que ce verset là حاكم, c'est-à-dire ce verset il juge la personne qui prétend aimer Allah et qui n'est pas وليس وعلى طريقة المحمدية et qui n'est pas, qui ne suit pas, qui n'est pas en conformité avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sache que cette personne là est un menteur. فَإِنَّهُ كَاذِبْ فِي دَعْوَاهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ, c'est-à-dire c'est un menteur dans ce qu'il prétend. La personne qui dit qu'il aime Allah alors qu'il ne suit pas la sunna du prophète, qu'il suit une voix qui est autre que la sunna du prophète, alors sache que cette personne est un menteur. Parce que si vraiment il aimait Allah Azzawajal, alors il aurait concrétisé ce verset-là et il aurait suivi son prophète. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ. Et donc, tu ne seras réellement sincère dans le fait de dire « j'aime Allah » que lorsque tu suivras la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme elle se doit. « Al-Shar al-Muhammadi wa al-Din al-Nabawi fi jami' aqwali wa af'ali wa ahwali » c'est-à-dire dans toutes tes paroles, dans tous tes actes et dans toutes tes situations. Non. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « qala man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd » celui qui fait une chose ou celui qui accomplit un acte qui n'est pas en conformité avec cette religion, yani l'amruna, amr din, avec la religion fawarad, c'est-à-dire qu'il est rejeté. Il est rejeté. Donc la personne qui vient avec une bid'a, ce qu'on appelle bien sûr ici le contraire de la sunna, ça va être ici la bid'a, c'est-à-dire l'innovation. La personne qui vient avec une innovation et qui n'a pas de preuve de ce qu'elle fait par rapport à son acte, alors sache que cette personne-là, lorsqu'elle dit « moi j'aime Allah », sache qu'elle n'est pas sincère dans ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que si elle aurait été sincère, elle aurait suivi. Elle serait accrochée à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de toutes ses forces. Et également, il nous dit le shir, « comme قال بعض العلماء والحكماء, نعم, ليس الشأن أن تحب, إنما الشأن أن تحب. » C'est-à-dire, ce n'est pas l'important que tu aimes, toi, mais l'important, c'est que tu sois aimé. L'important, c'est que tu sois aimé, inan. C'est-à-dire, le plus important pour toi, c'est qu'Allah Azzawajal il t'aime. Alaysa kadhalik? Toi, tu vas dire j'aime Allah. Tu vas t'efforcer à aimer Allah Azzawajal. Tu vas t'efforcer à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que tu reçoives cet amour de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le plus important pour toi dans tout ça, dans cette affaire-là, c'est qu'Allah Azzawajal lui il t'aime. Yuhbibukumullah. Ça le plus important. Donc l'important ce n'est pas que tu aimes, mais le plus important c'est que tu sois aimé. Et c'est pour ça que Al-Hassan al-Basri et d'autres parmi les salafs, ils disaient en fait que certaines personnes ont prétendu aimer Allah. Alors à ce moment-là, Allah Azzawajal les a éprouvés, les a testés lorsqu'il a descendu ce verset. Et ensuite le shir à partir de là, il va nous expliquer des actes qui sont contraires à la sunna et qui sont même dans beaucoup de cas et dans la plupart des cas, qui rentrent dans le shirk, c'est-à-dire dans l'associationnisme. Et donc à ce moment-là, la personne qui va prétendre aimer Allah, qui va prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui fait ces choses-là, alors c'est un menteur. Il va nous donner des exemples comme le fait de se frotter au mur de qui entoure en fait le qabr, c'est-à-dire la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme font certaines personnes, comme on peut voir min al-juhal bil asaf shadid. Et on voit beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles vont visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils arrivent au moment, ils arrivent devant la tombe du prophète, on voit qu'ils commencent à se frotter avec les murs donc qui protègent et qui entourent donc la tombe du prophète. Ils commencent à se frotter avec la croyance que cela va leur apporter en fait al-baraka. Et comme le shir va nous l'expliquer, al-baraka c'est en fait ma yuwafiq al-shara, c'est-à-dire ce qui est en conformité avec la législation, c'est ça le baraka. C'est-à-dire que le baraka, tu peux la recevoir par rapport à un temps, la bénédiction, tu peux la recevoir par rapport à un temps, tu peux la recevoir par rapport à un lieu, tu peux la recevoir par rapport à des actes, mais ces actes-là, ils sont cités dans la religion. C'est-à-dire toi, tu ne peux en fait dire que cela va t'apporter la bénédiction, le baraka, alors qu'il n'y a pas de preuve par rapport à cela. Et c'est ce que font en fait ici les gens, comme ils comme il explique le cheikh. Certaines personnes, dès qu'ils arrivent, même certaines, ils se frottent les mains jusqu'à les portes en fait de la mosquée. Peut-être cette porte-là a été fabriquée en Chine, hein. C'est des koufars, des Chinois qui l'ont fabriqué. Toi, t'es en train de te frotter après cette porte-là, en croyant que cela va t'apporter al baraka, Allah al-musta'an. À la kulli hal, il n'est pas permis de faire cela. Et cela donc va être contraire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à partir de là, tu ne peux en fait concrétiser cet amour. La yajouz, yaqul l'imam al-Nawawi, la yajouz an yutaf bi qabri, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis que l'on tourne autour de la qabr, autour de la tombe du prophète. C'est-à-dire qu'il est détestable, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis, bien sûr ici, il n'est pas permis de se frotter par rapport à son dos ou par rapport à son ventre, c'est-à-dire coller son dos au mur qui entoure bien sûr la tombe, que ce soit le dos ou que ce soit le ventre. Donc ça c'est la parole de l'imam An-Nawawi qui nous explique que ce n'est pas permis. وكذلك المسح باليد والتقبيل, c'est-à-dire le fait d'embrasser ces murs ou le fait de les frotter avec la main. Tout cela en fait est en contradiction avec la religion. Et ça fait partie min al-muhdathat, ça fait partie des innovations. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Dawud bisnadin sahih, la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayhi fa inna salatakum tablughuni haythuma kuntum. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ici quelle est le véritable amr, c'est-à-dire quelle est la véritable règle par rapport à la religion pour ce qui est envers du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. La taj'alu qabri aidan, c'est-à-dire ne placez pas ma tombe comme un endroit de fête. Bien sûr ici le terme aidan c'est général, c'est-à-dire lorsque les personnes se rassemblent dans un endroit bien précis à des moments bien précis, ça s'appelle de façon générale aid. Donc le prophète sallam yaqul la taj'alu qabri aidan wa sallu alayya, c'est-à-dire priez sur moi, fa inna salatakum tablughuni haythuma kuntum, c'est-à-dire que tu sois à 5 mètres ou à 10 mètres de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que tu sois au fin fond du globe terrestre, la prière que tu vas prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va l'atteindre où que tu sois. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas une condition que tu ailles devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu commences à prier et tu commences à faire des doigts, etc. Abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous met en évidence de quel endroit elle va l'atteindre. C'est-à-dire que la personne prie proche, bien plus loin, alors cette prière-là lui sera retransmise. Donc ce verset-là, c'est un verset qui est en réalité important à comprendre et surtout à appliquer. À comprendre et à appliquer. Si on veut être en fait sincère envers Allah et envers son prophète, si on veut être sincère envers notre religion, alors il faut regarder quel est notre état par rapport à ce verset. Est-ce qu'on réellement, nous, on rentre et on applique et on concrétise ce verset-là ou non? Pour en fait faire un constat de notre propre personne. Wallah al-musta'an. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.